Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on va compléter, on va changer de registre pour s'intéresser aux jeux vidéo et plus précisément l'utilisation des données géospatiales dans les jeux vidéo. Et pour nous en parler, je reçois Mélanie Jean, avec qui on a plutôt l'habitude de parler d'environnement, mais les données géospatiales et la géomatique, c'est aussi son domaine puisqu'elle a étudié ça et qu'elle travaille dans ce domaine. Alors, bonjour Mélanie. Bonjour François. Ben oui, j'ai décidé d'aborder un sujet un petit peu différent de ce que je fais à l'habitude, mais la géomatique puis la géographie, c'est tellement un domaine varié que je pourrais vous parler d'un paquet de choses. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire dans les prochaines chroniques et l'année prochaine aussi. Je pourrais vous amener plein de sujets qui ont pas nécessairement rapport avec l'environnement, mais qui sont dans le domaine de la géographie. Tout à fait. Et là, j'ai décidé de vous parler d'un lien qu'on fait pas rapidement. Les données géospatiales et les jeux vidéo. Ben, d'abord, ouais. La création d'un jeu vidéo, c'est un art qui demande vraiment une diversité d'expertise, assez étonnante. Ça nécessite non seulement une expertise en informatique, une expertise artistique surtout, mais aussi une expertise historique, archéologique, scientifique. Et depuis récemment, ce qui m'intéressait plus particulièrement d'ailleurs, c'est l'expertise en géomatique, parce qu'on utilise maintenant souvent des données géospatiales dans les jeux vidéo. Mais quand on parle de données géospatiales, on parle de quoi au juste? Ben, les données géospatiales, tout d'abord, ça contient de l'information qui porte sur des objets et des événements qu'on va localiser sur la surface terrestre. Donc, c'est le mot localiser qui est vraiment important. Ça comprend des données géométriques. Là, on parle de la position géographique, la forme des objets et des données descriptives, des attributs de ces objets-là. On parle des caractéristiques propres aux objets et aussi les métadonnées. C'est des caractéristiques là, sur les données propres là, géospatiales, comme ça date de quelle année, ramassé par un GPS, blablabla, tout ce genre de détails-là. Et là, on est à l'ère du numérique, là, une quantité importante de données sont produites par plein d'organisations, autant publiques que privées. Et savais-tu que la majorité des gens le savent pas, mais savais-tu que 80% des données qui existent dans le monde, qui sont de nature géospatiale, qui ont une composante géographique? Non, je l'ignorais complètement. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Et donc, la géomatique, c'est un domaine qui fait appel à plein de sciences, à des technologies de mesure de la Terre, autant qu'à des technologies de l'information, de l'informatique aussi, pour acquérir, pour traiter, pour diffuser les données sur le territoire. Et c'est ces données-là qu'on appelle d'ailleurs des données géospatiales, ou on appelle aussi des données géographiques. C'est assez méconnu du grand public, parce que la géomatique, pourtant, elle est de plus en plus récente dans nos domaines d'activité quotidienne, mais c'est quand même assez récent, que c'est pas très connu encore, sauf pour ceux qui sont vraiment dans le domaine, ou qui gravitent autour du domaine. Donc, pour te donner des exemples, la géomatique, c'est d'abord, ça peut être du géomarketing. On l'utilise ça pour mieux le cibler et mieux localiser une clientèle. C'est aussi essentiel pour la surveillance des risques naturels, le suivi des feux de forêt. On utilise beaucoup ça grâce aux images satellites. C'est aussi le suivi en temps réel dans le commerce de détail. Par exemple, le suivi des camions de livraison. On peut les suivre en temps réel avec des GPS. Les compagnies d'assurance utilisent énormément les données géospatiales pour, par exemple, établir des zones de risque. Ils font des cartes pour établir des zones qui sont plus à risque. Donc, s'il y a des zones plus à risque, les gens vont payer plus cher d'assurance. Exactement. Aussi, et ça, c'est sorti récemment d'ailleurs, je pense au RTC, transport collectif, l'application Nomade. Ça, c'est le suivi en temps réel des autobus. Ça veut dire qu'on peut savoir au moment précis où on regarde dans l'application, l'autobus du parcours qui nous intéresse est rendu où? Où est-ce qu'il se trouve? Est-ce qu'il est en retard ou est-ce qu'il est sur le point d'arriver? Donc, ça nous permet de nous ajuster. Là. Exactement, puis c'est super pratique. Et la géomatique est aussi utile pour suivre des événements majeurs qui ont en cours sur le réseau routier puis qui entraînent des entraves importantes. Par exemple, ça arrive souvent, parfois on écoute les nouvelles puis il y a un segment là, trafic et construction sur la route. Ça utilise une application qui est capable de savoir en temps réel le trafic qu'il y a sur les routes. Est-ce que c'est bloqué? Est-ce que c'est fluide? Parce qu'on est capable d'avoir cette information-là en temps réel. D'ailleurs, je suis sûr que tu l'utilises toi aussi, Google Maps. Tout à fait. Qui n'utilise pas Google Maps pour qu'on se soit en voiture ou à pied, là, on peut savoir le parcours qu'on doit faire pour se rendre à X magasin, par exemple, si on sait pas où il est, ou chez un ami qu'on connaît pas exactement où il habite. Donc c'est des exemples super concrets qui utilisent tout le géospatial. Et pour y être allé récemment, en fait, j'ai vu effectivement que sur un trajet comme par exemple Montréal-Baltimore, il indiquait aussi les points où il y avait des accidents et oui. ce genre de trucs-là, effectivement. C'est justement comme je te parlais tout à l'heure, là, les trucs oui. des entraves et le trafic en temps réel, ben c'est ça. C'est là en temps réel, effectivement. Oui, c'est vraiment pratique. Tout à fait. Et le mot géomatique n'est pas un terme encore très connu, comme tu le disais, même si on l'entend de plus en plus. Alors, j'imagine qu'il y ait de... C'est une création récente, ça? Oui, c'est quand même une science récente. On remonte pas à... C'est pas comme les mathématiques, là. On remonte pas à l'Antiquité, là. C'est un mot qui est apparu à peu près à la fin des années 60 en France. Mais ça s'est vraiment implanté, puis ça s'est développé surtout au Québec. C'est surprenant. Bon, okay. Oui, dans le début des années 80, particulièrement à l'Université Laval, et ça s'est propagé par la suite aux États-Unis. L'émergence de la géomatique, ça va vraiment de pair avec le développement de l'informatique, évidemment. L'apparition des ordinateurs personnels dans les années 80 et 90, ça a vraiment fait exploser la cartographie et l'utilisation des systèmes d'information géographique. Là, j'utilise des termes, peut-être que c'est compliqué à comprendre ceux qui sont pas dans le domaine, mais en fait, c'est des logiciels qui vont intégrer des données géospatiales pour qu'on puisse les traiter puis pouvoir faire parler l'information. Parce que quand tu as une base de données dans Excel, ça dit pas grand-chose, mais si tu prends des données puis tu la mets sur une carte, là, tu fais comme « wow ». C'est une image vaut mille mots. Hein? Effectivement, tout à fait. Donc, plus récemment, là, la révolution avec Google Earth, là, ça l'a propulsé la géomatique, on peut dire. Et pour ce qui est du jeu vidéo, je pense qu'on peut dire qu'il a connu une grande révolution depuis ses débuts. Ah, tout à fait. L'industrie des jeux vidéo, là, ça a vraiment évolué depuis 40 ans. On est pas mal loin des jeux comme Pong puis ces trucs-là. C'était des années 70. Aujourd'hui, là, on fait même plus que jouer aux jeux vidéo. On les vit. Uh-huh. On bouge, on parle, on touche les écrans. Ils sont vraiment très interactifs. Oui, on interagit vraiment avec même d'autres joueurs à distance. Là, les jeux en réseau, c'est un must. Là. Puis à l'instar des livres dont vous êtes le héros, là, ça me fait penser à ça. Là. Ben, on a même la possibilité des fois d'influencer le cours d'un jeu, dépendamment des actions qu'on fait faire à notre personnage. Ça, c'est très populaire. J'ai moi-même déjà essayé un jeu. C'est vraiment le fun, ce genre de jeu-là. Et puis là, l'industrie du jeu vidéo, ne cessant d'évoluer, ben, elle se nourrit des nouvelles technologies aussi. Puis elle s'inspire de plein de techniques pour rendre le rendu le plus réaliste possible. C'est ça qui fait que t'embarques, d'ailleurs. Ben oui, c'est ça. Et quelle meilleure façon de créer des environnements virtuels authentiques avec une qualité de détail que d'utiliser les données géospatiales. Donc, c'est là que j'en viens. À quoi ça sert, en fait? Mais comment le mariage entre la géomatique et les jeux vidéo peut-il avoir lieu? En fait, ça semble deux domaines qui sont tellement différents. C'est vrai. Vite comme ça, on peut se demander le lien est où, là? Mm-hmm. Ben, il y a un professeur en sciences géomatiques de l'Université Laval. Ceux qui sont dans le domaine vont probablement reconnaître Madame Danielle, qui a d'abord exploré les possibilités d'intégrer des technologies géomatiques à celles des jeux vidéo. Là, on remonte en 2009. C'est pas très loin. Avec un projet qui s'appelait GéoEduc 3D. Il y a eu une quinzaine de spécialistes en géomatique et en sciences de l'éducation qui ont conçu le jeu éducatif Energy Wars, qui se déroule dans un environnement réel qui existe pour vrai. Là, c'était le campus de l'Université de Queens à Kingston. Mm-hmm. Puis là, ils ont numérisé les bâtiments du campus à très haute résolution. Donc, c'est comme pour reproduire en 3D la réalité sur le terrain qu'on est allé chercher les données pour savoir où ils étaient situés. Et donc, le projet GéoEduc 3D explorait les possibilités d'intégrer des technologies géomatiques à des jeux vidéo. Ça, c'est sous l'angle de l'apprentissage des connaissances. C'était des jeux vidéo qu'on appelle sérieux. Là. OK. Et dans ce jeu-là, en fait, qu'est-ce que le joueur devait faire? Ben, dans un esprit de développement durable, le joueur devait sélectionner et aménager des bâtiments afin de les rendre plus efficaces sur le plan énergétique. Par exemple, installer des capteurs solaires. Et toute modification implique des coûts. Ben là, le joueur devait prendre en compte le budget pour faire ses décisions. Puis le gagnant, c'est celui qui avait aménagé le plus de bâtiments. Donc, c'est vraiment un jeu très formateur et éducatif. Intelligent, c'est ça. Et là, on voit que la géomatique était vraiment au cœur de la réalité augmentée. Et c'est ça le point le plus important, parce que ça va devenir un élément clé dans le développement des jeux vidéo avec l'émergence des nouvelles tendances dans le domaine. Ce qu'on aime, c'est de reproduire la réalité. Et si on veut reproduire la réalité, il faut la mesurer. Tout à fait. Et si on veut la mesurer, ben, il faut passer par la géomatique. On n'a pas le choix. Et la meilleure façon d'atteindre le but visé pour avoir une meilleure réalité virtuelle, ben, c'est d'utiliser les données géospatiales. Et justement, la géomatique s'emploie à cartographier la réalité, notamment avec les technologies de localisation dans l'espace. On peut le faire par les images satellites, les radars, les images, les photos aériennes, les données GPS. Il y a plein de façons de récolter les données. Et le domaine du jeu vidéo, ben, c'est un champ d'application qui est peu exploité pour l'instant par la géomatique, mais on voit là, le potentiel est immense. On fait juste y penser, puis on pourrait trouver plein d'idées. Puis l'industrie du jeu vidéo connaît de son côté pas encore très bien le potentiel des outils et les connaissances de la géomatique. Donc, elle sait pas encore tout à fait qu'est-ce que la géomatique peut lui apporter. Mais c'est normal parce que c'est deux domaines tellement différents. Hein. Mais c'est certain que ça va aller en forte croissance. Ah, je suis certaine. Ah ouais. Et en 2011, s'appuyant sur cette expérience-là que je vous parlais tout à l'heure là, de Géo 3D, l'équipe de Mme Daniel a collaboré avec le Centre en imagerie numérique et médias interactifs pour développer une autre application. Ça s'appelle Parallèle. Mm-hmm. C'est pour les tablettes électroniques, iPad et compagnie. Et c'est disponible d'ailleurs sur l'App Store. C'est un jeu éducatif qui est destiné aux étudiants du niveau collégial pour simuler en 3D des concepts qui sont liés à l'électromagnétisme. C'est intéressant. Parce que l'électromagnétisme, ça peut être quand même dur à concrétiser. Tout là. À fait. Moi, je me rappelle que j'avais des cours de ça au secondaire, puis... C'est difficile à concevoir. Oui, hein? J'aurais vraiment aimé savoir un iPad avec ce genre de truc 3D. Uh-huh. Puis les approches en géomatique, en gestion du territoire, en maquette 3D peuvent apporter un vrai bon réalisme et ça aide beaucoup à la programmation d'un jeu. Donc c'est un domaine là, en explosion et on commence à peine à effleurer le lien entre les données géospatiales et les jeux vidéo et la réalité augmentée, si on peut dire, là. Donc, je pense que c'est un sujet qui est à suivre parce qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Oui, et ça va prendre aussi des ordinateurs de plus en plus puissants pour traiter toute cette information-là. Oui, aussi, parce que les données géospatiales, en général, c'est des bases de données très lourdes. Effectivement. Parce qu'elles contiennent beaucoup d'informations. Tout à fait. Alors, les jeux vidéo vont devenir plus vrais que vrais et peut-être que la vie va sembler finalement banale à côté de ça. Peut-être. Alors, merci beaucoup, Mélanie. C'est un plaisir. On va passer en pause musicale et on vous revient après avec Marie-France Ossil et Jason Sanson.